Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité, ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. Bonsoir. Bonsoir. Bon, donc vous êtes vraiment à l'écoute de Transjonal, comme tous les mercredis soirs, de 20h30 à 22h. Notre adresse, 365A Chaussée d'Aldenberg, si vous voulez venir discuter avec nous, mais il faut nous prévenir parce que la porte est fermée à clé. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre par téléphone, est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons des invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Rebecca ? Non. Déborah. Déborah. On se trompe souvent. Déborah. Bonsoir. Et Lucas. Ouais, c'est ça. Voilà. Et qui font partie, tous les deux, d'une association qui s'appelle Genepi. Et on va discuter de tout ça. On va dire ce que c'est, Genepi. C'est à part être une plante presque médicinale, je ne sais pas si c'est ou aromatique. C'est autre chose aussi, c'est une ASBL qui a été créée il y a quelque temps en France et qui maintenant est active en Belgique. Mais avant ça, on va peut-être passer un petit morceau de musique, non ? Billy Rose was a low rider, Billy Rose was a night fighter, Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car. The local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale. A Billy fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. A cell on a block, he hanged himself a dawn with a note stuck to the bunkhead. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican. Law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, Still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, a brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Him, and he died to no one's great alarm. Come and lay, help us lay poor Luna down. And we'll raise the prisons to the ground. Kilowatt was an aging of 65 who stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. As the time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. Then on the day of his release, he was approached by the police, who took him to the warden, walking slowly by his side. The warden said, "You won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life." He stepped out in the Texas sunlight, and the cops all stood around. Old Kilowatt ran 50 yards, then threw himself down on the ground. They might as well just have laid that old man down. But we're gonna raise the prisons to the ground. Help us raise the prisons to the ground. Ben voilà, c'était une chanson de Joan Baez, la prison. Et bon, c'est une vieille chanson et ça passe plutôt en Latin-Amérique, mais malheureusement, la prison, ça existe déjà toute l'histoire. Et pas seulement en Latin-Amérique, mais dans le monde entier. Genepi, c'est une plante, mais peut-être que vous avez déjà maintenant fait le lien avec la musique, qu'on parle bien de prison ce soir. Voilà, mais Genepi, même ici en Belgique, c'est pas si vieux que Joan Baez, qui fait sa dernière tournée musicale en Belgique. Elle fait un concert le 4 juillet à Gand, pendant le festival de jazz. Ben voilà, comme okay. Ça, on fait une petite annonce. Voilà. Alors Genepi, dites-nous, c'est quoi, c'est que... Tu veux commencer ? Oui, bah, on peut peut-être commencer simplement par effectivement resituer rapidement l'histoire du Genepi. Donc, c'est une association qui est tout à fait nouvelle pour nous en Belgique. Ça fait là quelques mois qu'on est une ASBL et ça fait 2 ans plus ou moins que ça s'organise, que la machine se met en route progressivement. Et par contre, c'est une association qui a une beaucoup plus longue histoire à partir de la France, puisque c'est le Genepi, c'est d'abord une association française qui est née au milieu des années 70, suite en fait à un climat de tension sociale extrême en France, où il y avait une lutte sociale qui s'est intensifiée au début des années 70 par rapport aux conditions infernales de détention dans les prisons françaises et la répression brutale du gouvernement par rapport aux émeutes et à la mobilisation qui s'est organisée en lutte contre cette situation. Alors par rapport à donc, ce contexte de tension en France, ce qui est intéressant, c'est que le Génépi va d'abord être, en fait, donc ça c'est intéressant parce qu'en fait, le Génépi tel qu'on l'entend actuellement s'inscrit dans une certaine rupture avec sa propre histoire. C'est-à-dire que ça a d'abord été en fait une volonté de l'État français d'organiser, de mettre en place une association à l'intérieur du monde étudiant qui a pour vocation d'organiser des formations à l'attention des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale. Et donc, à ce sujet, c'est assez drôle parce qu'effectivement, vous parliez de la plante qui est en fait le Génépi. Alors aujourd'hui, en Belgique, quand on nous demande mais qu'est-ce que c'est le Génépi, le mot, ça renvoie à quoi ? Là, on se dit toujours aïe aïe aïe, bon, c'est la petite plante et la liqueur qu'on boit à la fin de l'AG, mais qu'est-ce que c'est encore au départ ? Parce qu'en fait, au départ, c'était des acronymes, mais qu'aujourd'hui ne sont plus utilisés. Donc aujourd'hui, c'est seulement le terme de Génépi, mais donc au départ, c'était un acronyme qui signifie Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Donc c'était cette association étudiante qui promouvait la réinsertion à l'intérieur de la prison. Et alors c'est au fur et à mesure que le Génépi en France s'est détaché de cette histoire qui est donc qui va quand même dans le sens du maintien d'un certain ordre social pour devenir de plus en plus une association critique. À tel point qu'en 2014, lors de ses assises, le Génépi France a donc décidé de vider l'acronyme Génépi et de se redéfinir non plus comme une association en vue de la réinsertion, qui est donc un vocabulaire qui peut vite participer à une logique du maintien de l'ordre, mais c'est redéfini comme une association pour le décloisonnement de la prison, pour rendre plus poreux les murs entre l'intérieur et l'extérieur, et est devenue donc une association de plus en plus critique jusqu'au point où, il y a un an, ils ont perdu en fait, le soutien qu'ils avaient au niveau du ministère français de la Justice et qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés à pouvoir rentrer en prison pour leurs ateliers. Et donc la Belgique, on s'inscrit donc dans cette histoire-là, dans ces ruptures-là. Et donc nous, on se définit effectivement comme une association qui œuvre au décloisonnement de la prison, donc avec deux dimensions principales, c'est faire des ateliers en prison, maintenir un contact direct avec les détenus et inversement transmettre à l'extérieur ce qui se passe en prison. Peut-être qu'on peut là. Ouais. Du coup, oui, le Génépi Belgique s'inscrit un peu dans la filiation du Génépi France. Et ici, l'association, du coup, elle a vocation de sensibiliser sur des questions concernant l'univers et le monde carcéral et le système pénal. Et donc, et de former les membres du Génépi, ceux qui rejoignent cette association, en vue donc de la sensibilisation vers la société civile, et aussi de mener des actions en prison, d'ordre d'éducation permanente ou qui peuvent se décliner, qui sont vraiment assez assez variées selon justement la sensibilité des membres du Génépi. Mais qui sont quand même reliés à une charte qui relie donc des valeurs qui sont justement bien la défense des intérêts des droits des détenus, juste déjà essayer de respecter le droit des détenus, c'est un peu la base. Et puis juste aussi promouvoir, un peu amener de la lumière sur ce qui se passe en détention dans le monde carcéral, sur les réalités du monde carcéral. Et c'est comme ça qu'on en est venu justement à fonder le journal La Brèche pour amener un regard sur critique et un regard sur la réalité des personnes en détention. Mais donc le Génépi, il a mené différentes actions. Par exemple, comme disait Déborah, c'est assez récent que le Génépi existe, ça fait 2 ans. On a eu l'occasion l'année passée d'organiser des visites parlementaires. Donc justement, dans cette idée de sensibilisation, ce n'est pas juste la société civile qui doit être sensibilisée, mais c'est aussi le politique, c'est celui qui prend les décisions dans notre système. Donc c'était l'intérêt de l'amener à connaître, à connaître réellement, concrètement, la réalité des détenus et donc de rentrer en prison. Voilà, on a co-organisé les journées nationales de la prison, enfin participer à ces journées, qui sont donc là aussi développées dans l'idée d'interroger le sens que la prison représente aujourd'hui dans notre société, toujours aussi dans une idée de transparence des conditions et donc de pouvoir amener du débat dans la société. Enfin, pour moi, c'est un peu amener du débat à propos de ces questions carcérales et du système pénitentiaire et des différentes problématiques qu'elles brassent. Pour moi, c'est un peu, c'est ce qui m'a poussé moi à rejoindre le Genepi et c'est un des vecteurs en tout cas du Genepi. Voilà. Et l'association, elle existe depuis quand alors en Belgique? Depuis deux ans. Ouais. Ouais, ça fait deux ans, mais ça fait depuis quelques mois que c'est une ASBL en fait. Ah, que c'est une ASBL. Voilà, c'est ça. Mmh. Mais vous aviez quand même une action avant qu'elle devienne ASBL ou Oui, c'est ça. En fait, c'était d'abord une association de fait, quoi. On œuvrait déjà, on avait déjà des actions. Et vous aviez la possibilité, en tant qu'association de fait, de pouvoir rentrer dans les prisons et d'aller discuter avec les prisonniers ou Visiblement, ça s'est fait. Mais peut-être que tantôt, tu avais parlé un peu le lien avec les universités. Parce que pour l'instant, les groupes Genepi sont liés à l'université. Et tu avais dit un peu que c'est lié à l'université que vous avez peut-être accès aussi. Oui, disons que ouais. Ça nous donne le fait qu'on ait des universités qui sont partenaires du Genepi, ça permet de donner une légitimité institutionnelle en fait à l'association, et donc c'est ce qui va permettre que au niveau de la direction des prisons, etc., on va nous prendre suffisamment au sérieux pour accepter que on vienne faire des ateliers en prison, alors même qu'on est une association qui est militante, une association qui est ouvertement qui s'inscrit ouvertement dans une perspective critique, donc il y a un peu cet enjeu là. La routine et le manque de vie qui se tasse, sac à dos à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, tcha tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir, putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part, ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura, les flics au cul, je les entends dire la petite en aura, je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part, je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part, toujours en train d'improviser à chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, porté par le vent, allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve, la nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre, percé par le chant de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue, loin du monde, des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile, fuck, c'est peut-être con mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix, vous pouvez toujours attendre si vous voulez, voir en paix, plutôt une balle dans la tempe, enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai, moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part. Libre, ça me suffit, c'est impec, moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre, ma liberté. Arrange fenêtre du verre, les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, fuite depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile. Parce que toi, tu avais aussi dit que ce n'est pas vraiment un groupe que des étudiants. Donc, c'est lié à l'université des initiatives pour l'instant, mais ce n'est pas le but. Ça va plus large. Oui, non, c'est ça d'abord implanté dans le réseau universitaire, mais c'était, comme l'a dit Déborah, c'est là qu'on a commencé, qu'on a été soutenu par différents professeurs et le monde académique qui nous a soutenus. Mais du coup c'est pas du tout réservé aux étudiants, c'est de là qu'on part, mais on a vraiment l'envie d'étendre notre réseau à d'autres cercles et voilà, que tout le monde puisse participer au GMPI. Mais bon, faut bien commencer de quelque part, et du coup c'est stratégiquement nous, et c'est de là qu'est partie l'énergie, et voilà on pouvait bénéficier du soutien de l'université, du milieu académique, et du coup on a profité de ça. Mais maintenant l'idée c'est de sortir de là aussi et voilà, de toucher d'autres. Mais c'est pas seulement ici à Bruxelles, si j'ai bien compris. C'est l'initiative qui a commencé ici à Bruxelles et après ailleurs, ou c'était un peu en alors un c'est, mélange, c'est directement à partir de trois, si on parle en termes des universités, trois universités, enfin quatre en fait, universités partenaires. Donc il y a l'ULB, il y a Saint-Louis, donc là on est du côté de Bruxelles, et puis il y a l'université de Liège et l'UCL. Donc ça fait déjà Louvain-la-Neuve. Voilà, mm-hmm. Ça fait déjà plus Louvain-la-Neuve, Liège, Bruxelles. Mm-hmm. Et alors l'idée ce serait de s'étendre à au maximum dans la Belgique francophone. Pour l'instant, on reste en fait dans la francophonie, mais pour des raisons pragmatiques, en fait, on pourrait aussi s'étendre à toute la Belgique. Mais donc, il ne faut pas que chaque fois, ça passe par une université, quoi. Donc ça, c'était vraiment pour instaurer l'association. Mais on espère vraiment qu'au fur et à mesure, ça va essaimer et que... On va être autre chose que... Enfin, on est déjà autre chose qu'une association étudiante, mais effectivement, comme disait Lucas, pour l'instant, les forces vives sont au niveau des étudiants, parce que c'est aussi là que se fait connaître l'association, que les gens peuvent rejoindre. Mais donc, voilà, on essaye au fur et à mesure de se faire connaître dans d'autres milieux, parce que ça permettra aussi d'autres types de projets, d'autres types d'approches. Ça, c'est important de cultiver une diversité au GNEPI. Ouais, parce que c'est là que j'ai fait connaissance avec vous. C'était parce qu'il y a eu une soirée de soutien pour votre premier journal, La Brèche. Et donc, c'est via ce médium-là, via l'affiche, via les gens qui ont parlé d'une soirée de soutien, qu'on a fait connaissance pour vous inviter à la radio. Donc, c'est vrai que c'est important de faire peut-être des événements publics. Oui, tout pour à faire fait. Connaître. Et là, c'était association. Une soirée au Garcia Lorca, donc tout de suite, ça s'inscrit dans d'autres histoires que quand on fait une conférence à l'université ou quoi que ce soit. Là, tout de suite, on est dans un terreau qui est directement militant. Et voilà, et c'est ça qu'on veut aussi. Là, pour la soirée de lancement de La Brèche, il y avait le collectif Aaron qui venait présenter ni béton ni prison. Leur nouveau livre, on essaie d'être le plus possible en convergence avec d'autres luttes qui sont liées à la prison. Ouais. Et je vois sur votre site que vous œuvrez beaucoup dans deux directions, c'est-à-dire des actions en détention et les actions avec du public. Mmh. Et alors, comment ça se passe ? Mais justement, ça rejoint l'idée du GNEPI qui est vraiment de décloisonner ces deux univers. Donc, autant que la société civile s'intéresse au sort des condamnés en détention, et de l'autre côté, de permettre aux personnes qui sont en détention de maintenir un lien avec la vie civile, la vie sociale, et du coup d'avoir toujours une parole. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place concrètement avec justement le journal La Brèche, de vraiment, bah oui, enfin c'est ça, c'est créer une brèche, c'est créer des ponts entre ces deux univers et amener à ce qu'ils puissent discuter, enfin apprendre des réalités de chacun, et puis amener le débat sur des questions qui justement qui traversent, qui sont présentes dans ces deux univers, si on peut parler. Enfin, les problématiques, elles ne s'arrêtent pas, comme on disait, aux portes des prisons. Enfin, elles sont présentes dans la société, elles sont souvent accentuées au sein des prisons, et même s'il y a des problématiques qui sont bien spécifiques à la prison, mais donc ces deux mondes sont forcément en relation. Et ici, c'est justement l'idée de faire transparaître cette relation qui existe. Mmh. Les actions de sensibilisation auprès du public, vous faites quoi, par exemple ? Bah, là, on avait fait... Enfin, du coup, il y avait les parlementaires, ça, c'est auprès des institutions, on va dire, plus, enfin, des représentants. Sinon, il y avait, par exemple, récemment, on avait participé au lendemain des élections communales. On avait un stand pour la journée de lutte contre la pauvreté. Et donc, là, il y avait toujours les représentants fraîchement élus. Mais il y a aussi tout le public qui peut venir à notre stand, et du coup, bah, on va parler, on va le sensibiliser à ces questions, à la réalité carcérale. Ensuite, on organise un peu différents événements, que ce soit des projections, des conférences, voilà, où tout le monde est invité. Ouais. Il y a aussi toute une dimension de formation continue au Génépi, qui est présente depuis le début. C'est-à-dire que quand on est membre au Génépi, on est invité à suivre une série de... Ça va être des conférences, ça va être des ateliers, ça va être toute une série de choses qui vont en fait nous donner des outils pour comprendre ce qui se passe en prison, mais aussi pour ne pas être complètement paumé quand on commence à faire des ateliers en prison. Donc y a toute une série d'activités qui vont s'organiser autour de cette formation continue, avec des transmissions d'expériences, des gens qui ont une très longue pratique dans l'intervention en détention, etc. Donc ça, c'est aussi une partie importante... importante du Génépi, qui va croiser des aspects beaucoup plus pratiques et des aspects plus théoriques. Voilà. Et ensuite, en soi, on pourrait, enfin, il y a toute une série d'activités qui pourraient être inventées. Il n'y a pas vraiment de cadre qui est prédéfini au Génépi. C'est ça qui est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, on arrive à mettre en lien ce qu'on peut faire à l'intérieur de la prison, directement avec les détenus, et ce qu'on peut faire à l'extérieur. Voilà, ça, on aura l'occasion d'en parler, mais clairement, un outil comme un journal, comme notre journal La Brèche, peut permettre de faire ça, de profiter du cadre d'atelier pour rassembler des paroles, pour pouvoir les transmettre à l'extérieur. Où là, cette année, on a eu une grande une campagne, comme on a appelé ça qui avait pour occasion la question du droit de vote en prison, en fait. Et donc là, il y a eu une série de choses qui s'est organisée, et c'était autant des ateliers en prison, où c'était en fait généralement des discussions autour des conditions de détention, des droits des détenus, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut porter comme revendication, comment ouvrir des espaces de discussion en fait pour pouvoir traiter de la question des droits et de la question aussi du rapport avec la politique à l'extérieur, etc., en prison. Ensuite on prend cette occasion-là pour faire de la sensibilisation à l'extérieur, pour écrire des articles, organiser des séances d'information, etc. Donc on essaye vraiment de nourrir l'un des pôles par l'autre, en fait. Mm-hmm. Peut-être c'est le moment pour passer un peu peut-être les chansons qui étaient faites dans la prison de Mons, avec, pour un peu donner un exemple, c'est comme des genres d'appels. La prison de forêt d'abord. La prison de forêt, ok, ouais, d'accord. Mais oui, pour donner un peu plus de... qu'est-ce que c'est des conditions dans les prisons, ou parler plus... Ouais, bonne idée. Okay. Et donc c'est un reportage ou c'est un... C'est, oui, là c'est une chanson qui a été réalisée dans le cadre des ateliers Mur Musique à la prison de forêt donc. Et Mur Musique, bah, c'est un collectif de musique et création sonore. Et voilà, ils ont enregistré, ils ont fait un atelier à la prison de forêt, ils ont enregistré un petit son qu'on a écouté. Donc c'est en partenariat avec le Jacques Franck. Voilà. Ouais, ok. Si ça marche. Tu m'as arrêté. Je me retrouve donc à forêt et je pense qu'à m'évader. Et Papa Noël m'a rien donné. Qu'on m'a l'air dit, Santa Claus is a fucking bastard. He's a fucking bastard, man. Qu'on m'a l'air dit, Santa Claus is a fucking bastard. He's a fucking bastard, man. Qu'on m'a l'air dit, Santa Claus is a fucking bastard. La nuit des décembres, entre les crises, les pères Noël qui va descendre. Je vois rouge dans ces climats blancs, descendre, tombe du ciel. Pitié du système qui viendra nous défendre. Le père Noël est une ordure comme les Coca-Cola. Ça roule la santé, ça roule les parents. Les enfants évitent de les coller, banaliser, commercialiser. Les systèmes l'ont emporté. 25 décembre, ces jours restent importants. Il faut des preuves d'amour, donc des cadeaux emportés. Empoisonné, l'amour s'est fait emprisonner. Les gosses rêvent d'un cauchemar. Les pères ne n'existaient pas, quel accident. C'est la faute à l'Occident. Toi, tu sais que mélange l'amour et l'argent. C'est hard et dépressif, comme l'histoire des 666. La paix est lâchée, trop d'argent dépensé. C'était ses planches dans la triste pensée. L'amour n'existait pas, y'a des preuves d'amour, mais tant je les sais. Comment leur dire que Papa Noël est une ordure? Comment leur dire que Papa Noël piquait du bi? Comment leur dire que Papa Noël crée des crises? Il fait que mentir, il fait que mentir, il fait que mentir. For a moment, the absence of pain was all I could comprehend. Is it the meaning of Christmas? It doesn't make any sense. Far away from family, sisters, brothers and friends. Should I celebrate or should I pretend? Is it the end of the beginning or beginning of the end? And I hope that everything's gonna find it. You can smile, yeah, from time to time. That everyone around you, yes, is kind. That you can share the good vibe the way that Christmas will be never will be the same. That people, yes, around us is what makes Christmas great. So thank you for the life, Roger. Yeah, thank you for this year. Yeah, I wish you Merry Christmas, I hope your party's safe. All about the Christmas spirit. And how strange can I get? Alone in the street, yeah, it's a stranger I met. And he say that he's one of the three wise on his way to Nazareth. Christmas for the worst or for the best. It's all about forgiveness, it's all about respect. La vie n'est m'a pas offert de cadeaux. Mais des années fermes comme cadeaux. Sous le sapin, y'a jamais eu de cadeau. La vie check sur un film. J'suis le seul acteur du film. Arrachage vocal, braquage musical. PXL vous offre, y'a Lyon comme cadeau. Voilà, c'était. Donc. Ouais. Mur Musique Bazar. Mais du coup, on peut peut-être. Donc on revient. Donc vous avez publié donc un journal qui, dont vous avez fait une soirée de soutien. C'était la semaine dernière, je crois. Non, il y a un peu de temps. Maintenant. Quelques semaines. Ouais. Quelques semaines. On n'a pas trop la notion du temps non plus, mais c'était il y a quelques semaines. Voilà, c'est votre premier numéro. Ouais. Donc ce journal, vous 17 avez donné un thème assez pas mal d'ailleurs, qui c'est genre et sexualité en prison. Et il y a plein de choses là-dessus. Mais voilà, pouvez-vous nous parler un peu de ce journal? Oui, mais donc oui, effectivement, c'est notre premier numéro. J'espère qu'il y en aura, il y en a d'autres au programme. Mais du coup, comme on l'a dit, c'est l'idée de, avec le journal, en tout cas le support, le média, c'est toujours de décloisonner, hein, d'amener du lien. C'est vraiment quelque chose qui peut passer de main en main et qui peut circuler aussi en prison. Et ici, dans le journal, on livre différents articles qui peuvent être de l'ordre du témoignage ou plus des analyses. On fait vraiment résonner différentes voix, différents acteurs qui viennent donner leur perspective, leur vécu ou leur analyse sur le milieu carcéral. Et donc nous, ça c'était vraiment un souhait assez fort, c'est justement de mettre ces différentes voix, ces différentes perspectives en résonance au sein du journal, parce que c'est justement un sujet complexe et du coup on souhaitait l'aborder avec de multiples prismes. Et du coup, ces prismes, ces personnes qui viennent témoigner, livrer leur version de la réalité carcérale, ça permet donc de complexifier l'analyse et que chacun vienne témoigner aussi avec son vécu et avec sa façon de dire le vécu. Avec ces mots, on a des sociologues, puis on a des personnes, des détenus qui viennent témoigner. C'est chaque fois, il y a toujours des tons assez différents, et on trouvait ça intéressant justement de pouvoir laisser une certaine liberté dans les tons et dans les styles et de mettre tout ça en avant. Et le projet de la brèche, oui, donc c'est amener c'est une plateforme d'expression finalement où donc différentes personnes pourront venir témoigner et éclairer sur les rouages d'un système, que ce soit pour y dénoncer les violences qui sont intrinsèques à ce système, mais aussi d'autre part faire la lumière sur les modes de résistance, de résilience qui existent en prison. Donc on voulait un peu justement être ne pas se centrer juste sur les violences, les luttes, mais aussi c'est aussi une lutte justement, mais dans un sens plus positif, mais tout ce qui peut être construit aussi au sein de la prison, et encore plus quand il existe un écho dans la société civile. Donc voilà, nous, notre journal, c'est vraiment l'idée d'être porteur de voix. On ne se fait pas nous-mêmes au sein du GNEPI, on n'écrit pas les articles, on contacte, du coup vraiment c'est l'idée de contacter des gens qui connaissent de manière assez fine le milieu carcéral, parce qu'ils y travaillent ou parce qu'ils le vivent. Et du coup c'est à eux qu'on donne la parole, et c'est ça qui donne cette espèce de constellation sur l'univers carcéral. Donc le texte ici, parce que je vois prison de Birkendal, prison de Nivelles, et les femmes qui parlent, donc c'est elles-mêmes qui écrivent. Ouais, ah, c'est ouais. Ça, ouais. C'est vraiment notre parti pris. Alors, certains textes, ce sont des entretiens qu'on a faits. Ça, c'est quand les personnes... On laisse toujours la possibilité aux gens de dire, moi j'ai des choses que j'ai envie de dire, mais je ne le sens pas d'écrire. Ouais. Alors, dans ce cas-là, on fait un entretien. Pour que ce soit quand même les mots de la personne, pour que ça passe quand même par son vocabulaire, par son langage. Mais effectivement, c'est comme disait Lucas, quoi, c'est notre parti pris de pas nous-mêmes prendre parmi ce que les gens disent, ce que nous, on veut retenir, et de faire nos propres analyses, etc. C'est vraiment de prendre... Après, il y a un travail avec les auteurs, des propositions parfois pour réécrire, etc. Donc on a un travail éditorial, mais pas un travail d'auteur. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important, qui est important en fait à plusieurs niveaux, parce que c'est important dans l'idée justement de diffuser ces voix à l'extérieur, mais c'est aussi important... pour nous-mêmes en tant qu'organisation, en fait, de surtout pas prétendre s'approprier en fait la voix de ceux qu'on défend, de pas prétendre qu'on parle au nom des détenus, quand bien même c'est pour les défendre. Ce dont on se rend compte quand on pénètre un peu l'univers carcéral, quand on fait des ateliers en prison avec les détenus, c'est que les points de vue vont être extrêmement multiples. Et c'est pas tellement que chacun va avoir son avis, etc. C'est pas que, c'est, que tout est psychologique ou subjectif, mais c'est que c'est des situations de violence, en fait, qui sont tellement complexes, avec tellement de strates, où chacun vient avec un parcours qui va être défini, des violences qui précèdent la prison, les violences sociales, pendant la prison, après. Voilà, là, c'est quelque chose qu'on a pu explorer dans ce numéro-ci, justement, en donnant la parole... avec une attention aux femmes en prison, aux transgenres, aux homosexuels, donc des gens qui vont vivre la violence à plusieurs niveaux. Et donc on se rend très vite compte qu'on ne pourra pas avoir déjà une seule bonne manière de dire la violence en prison, une seule bonne manière de critiquer, mais... même plus que si en fait on veut se faire des alliés concrets, si on veut devenir des alliés concrets des prisonniers, ça ne pourra pas passer par des prises de position générales. Ça devra résister en fait au fait de réduire ce qui se passe en prison à une grille d'analyse, à un discours en bloc, mais qu'il va falloir justement chaque fois voir comment chaque perspective se situe par rapport à la violence, aux différentes violences en prison, et comment aussi chaque acteur va trouver les manières de résister, les manières de survivre. Et ça, je pense que c'est vraiment important. En tant qu'association, on peut avoir tendance à... parce qu'on est aussi dans une optique de dénonciation, mais du coup, on peut avoir tendance parfois à devenir vite très abstrait. Et là, parfois, on perd la possibilité, en fait, de dire okay, avec qui est-ce qu'on parle, à qui on s'adresse. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un outil qui est aussi important pour nous pour apprendre à connaître cet univers contre lequel on lutte, en fait. Oui, ouais, et puis donner justement c'est ça, la parole aux premiers concernés, à ceux qui vivent le système carcéral. C'est sans doute aussi se positionner en rupture, enfin leur redonner redonner place à l'autonomie et à être sujet finalement, parce que là où un univers où tout est décidé à leur place, où c'est vraiment la moindre décision, et il faut demander, il y a pas la place à l'autonomie. Ici c'est leur redonner une place d'acteur et de sujet, que de pouvoir écrire, témoigner de la manière dont ils le souhaitent, d'ailleurs. Dans les pages d'un journal qui sera lu dans la prison et en dehors. Est-ce que vous avez eu des réactions maintenant sur ce journal par ceux qui ont vous avez interviewé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'elles trouvent maintenant du journal? Est-ce qu'ils ont... Allez. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Là, on est encore en train d'organiser sa diffusion, etc. Mais sinon. Alors, on a déjà reçu quelques témoignages, donc ça, c'est déjà quelque chose de positif pour nous, parce que ça, c'est notre premier numéro, donc on a plusieurs témoignages de détenus, mais... on doit toujours le diffuser aussi. Voilà. Les gens n'ont pas, je ne sais pas s'ils l'ont tous déjà reçu, ceux qui ont témoigné, quoi. C'est ça, on est... C'est trop tôt encore. C'est encore en train de tourner, mais en tout cas, ça a déjà essaimé un peu, on a déjà reçu un témoignage... quelques mails. C'est ça, entre autres, quelqu'un qui nous a envoyé son journal... son journal personnel qu'il a écrit pendant qu'il était détenu suite à une condamnation liée à sa lutte militante sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc on commence à avoir des retours, mais on est au tout début, quoi. Les ateliers qu'on a eu l'occasion de faire ces derniers mois dans différentes prisons de Belgique, de la Belgique francophone, ce numéro-ci était déjà lancé, donc là on n'a pas pu récolter les témoignages, mais on a pu déjà parler à tous les ateliers qu'on a fait. Je pense qu'on a fait des ateliers avec j'espère que je dis pas de bêtises, mais plus ou moins... Il y a eu 25 ateliers en tout, dans 8 prisons. Plus ou moins 200 détenus, je pense, quelque chose comme ça, au total. Touché, voilà, c'est à chaque fois des occasions pour dire, voilà, ce journal existe, on est en train de le faire, on donne l'adresse. Et donc là, maintenant, y a une part de... voilà, d'attente, d'imprévu. On va voir jusqu'à quel point ça prend. Et alors, on envoie aussi la brèche à toutes les personnes en prison qui nous ont demandé à la recevoir. Donc, ça va se mettre en route. Okay. Bah, jusqu'à maintenant, ils ont jamais été demandés d'écrire des choses, de sortir des choses. Parce que moi, j'ai peut-être une fausse impression, mais qu'il y a comme des associations qui existent depuis longtemps qui font des ateliers dans les prisons. Ou est-ce que c'est pas si beaucoup, pas si fréquenté, ou est-ce que c'est une autre manière de travailler? C'est juste parce que j'ai dit de temps en temps, peut-être on peut avoir des réactions, comme on doit encore de nouveau faire notre témoignage. Allez, c'est juste pour ces réactions-là, quoi, tu vois, ça vous n'avez pas vraiment, c'est plutôt vraiment besoin qui est toujours là, qui... Je pense, enfin, de toute façon, dans les prisons, en tout cas dans le système belge, il y a les ateliers, c'est pas quelque chose qui... Enfin, il y a pas beaucoup de possibilités d'ateliers, finalement, donc... Enfin, nous, les... C'est juste de temps en temps qu'il y a eu des ateliers radio, alors, ou des ateliers de... d'écriture, ou de... Je pense qu'il faut surtout pas réduire l'importance des luttes qui existent déjà, et il y a d'autres associations, d'autres journaux qui s'occupent de rendre visible ce qui se passe en prison. Là on vient de passer une chanson qui a été faite en prison et qui est diffusée à l'extérieur. Donc il y a plein de choses qui se passent. Je pense que néanmoins le besoin il reste, parce que la prison reste un lieu extrêmement invisibilisé, extrêmement fermé. Alors voilà, moi je pourrais pas parler en général, mais en tout cas moi, l'expérience que j'ai eue en prison avec les détenus, c'est que ils sont contents de voir qu'on s'intéresse à eux à l'extérieur, et clairement ils sont pas dans un surplus d'occasion de pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Donc je pense que voilà, il ne faut pas dire qu'on est en train de tout inventer en Belgique, mais en tout cas, ça répond. Non, mais peut-être qu'ils ont un autre regard vers vous, parce que vous dites que vous êtes plus militante, pas vraiment institutionnalisée, un peu d'ordre de l'État. Allez, tu vois, donc peut-être c'est... Mais, je sais pas. C'est... En tout cas, ce qui leur fait, je pense, quand on avait fait la campagne de droit de vote, ce qui est revenu, entre autres, c'est l'importance qu'ils accordent à être pris au sérieux, leur avis justement, et pas juste il y a la promenade qui, enfin voilà, qui c'est aéré, etc. c'est un moment hyper important aussi en détention, mais enfin qu'il y ait des activités en fait qui ne soient pas juste sans doute de l'ordre occupationnel, et pour sans doute qui ont une visée pour juste diminuer les tensions, etc., mais qui, pour justement les maintenir dans la société, que ce soit dans le tissu social, etc., et de pouvoir garder cette idée, enfin cette légitimité qu'ils existent en tant que citoyens, malgré qu'ils soient en détention, en fait. Ça, c'était... Moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous avez donné un thème à votre premier journal. Est-ce que c'est vous qui choisissez les thèmes, ou c'est en collaboration avec les gens qui vont écrire des choses dans le... Alors, c'est nous qui choisissons les thèmes. Donc, on est une équipe, disons, au sein du Génépi qui nous occupons de construire ce journal. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un thème. Et sur la base de ce thème, on contacte des gens qui sont directement concernés par la thématique. Voilà, donc ça, c'est notre approche pour le moment. Ici, c'est MC, genre sexualité en prison. Certains avaient déjà des contacts avec des associations, qui, par exemple, une association qui organise des plannings familiaux en prison. D'autres personnes qui étaient en contact avec un détenu qui est transgenre, par exemple. Donc, on a contacté les personnes qu'on avait déjà autour de nous. Et puis, on a fait aussi des recherches, essayer de trouver qui peut être concerné par cette question. Et alors, on contacte les gens et on leur propose d'écrire pour nous. Ouais, c'est ça. C'est, le thème du coup du dossier genre sexualité. On assiste à une certaine visibilité. Sans doute aujourd'hui, c'est un thème assez d'actualité. Mais justement, on voulait voir comment il se transposait en prison, si c'était aussi, s'il y avait aussi des revendications de ce côté-là, dans un univers justement qui est qui est très scindée en deux. Hein. Enfin, voilà, il y a la prison pour hommes et pour femmes. Et donc, la question des genres, bah, enfin, en tout cas, depuis notre position, elle faisait. On avait envie de se la poser en détention et voir quels étaient les témoignages à ce niveau-là en détention. Oui, c'est pas un thème facile parce que bon, c'est pas non plus facile pour les gens de se raconter, surtout dans des milieux aussi fermés. Enfin bon, déjà dans la vie publique, c'est pas facile de se raconter, mais dans les milieux carcéraux, ça doit être quand même encore pire, je crois. Les contacts doivent être difficiles à aborder. Tout à fait. Ouais. Ça vit à la personne de confiance alors. Ouais. Ça vit à la personne de confiance, c'est pour ça que. Vous connaissez déjà un peu, ou est-ce que vous avez emmené des personnes qui étaient déjà en contact avec eux comme personnes de confiance? Ouais, un peu les deux, effectivement. Ouais. Alors, les détenus qui nous ont écrit, ça, ils étaient en contact. Il y a une ex-détenue, par exemple, qui, elle, on l'a contactée parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait déjà, en fait, pris la parole, qui a eu des histoires amoureuses, en fait, en prison pour femmes. Et on s'est rendu compte qu'elle avait déjà pris la parole à ce sujet, alors on l'a contactée, mais sinon, effectivement, c'est des rencontres à l'intérieur de la prison. Voilà, et effectivement, voilà, on a par exemple un entretien avec une sociologue qui, elle, a fait beaucoup d'entretiens dans des prisons pour femmes, voilà, et qui disait effectivement sur la question de la sexualité, je ne peux pas vous en dire énormément parce que ce n'est pas forcément quelque chose dont les femmes vont facilement parler pendant les entretiens, etc. Mais du coup, c'est aussi intéressant à ce moment-là de parler de justement de ce qui ne se dit pas, de parler du tabou lui-même. Donc ça peut aussi faire l'objet, en fait, d'un travail de réflexion et d'analyse, quoi. Donc voilà, le manque d'informations, le manque de rapports sur la question, le manque d'accès en prison à un suivi affectif, un suivi gynécologique pour les femmes, etc. Ça, donc il y a aussi toute la version du manque, de l'absence qui fait l'objet du coup du numéro. Peut-être on doit passer encore un petit musique parce que sinon on ne va jamais avoir le temps pour mettre la musique que vous avez emmenée. Il y a une préférence pour On peut enchaîner avec une autre création. Donc cette fois, c'était par les détenus de la prison de Mons, lors d'ateliers réalisés par l'agence Alter et l'Alter Media Lab. Sur J24, c'est la zonzon, c'est le ballon, comme des papillons sur Pluton. Mon sur J24, j'ai pas bon, je me sens con et guette ma tombe. Les journées sont toujours les mêmes, réveillé à 11h30, juste à temps pour manger. Ces habitudes me donnent la haine. Je bois mon café, je fume mon pet, je finis par me calmer. Les jeux sont toujours les mêmes. Déjeuner, vaisselle, je brosse les dents, je me rince le visage. Je vais au préau, j'essaie de rester sage, malgré tous ces regards qui me dévisagent. Les soirées sont toujours les mêmes. Je mate la TV, je vais sur Facebook, je mets de la musique et je tourne en boucle. Ça fait 2 ans que je suis tout seul, ça me fout la haine, ici personne n'est saine. Rentrer dans un endroit où je pensais pas mettre un pied. Me voilà incarcéré pour une durée indéterminée. Comme ma vie ici, le temps s'est arrêté. Autour de moi, ils se sont tous tirés. Je n'ai plus que moi-même pour me sauver. Avec de la chance, je peux peut-être compter sur mon avocat. Mais c'est pas pour tout le monde le cas. Le temps s'écoule et fait des dégâts. Les heures s'égrènent et me font tourner en rond. Je suis assaillie de questions. Je donne mes réponses, mais à mes interrogations, personne ne répond. On a oublié que j'étais quelqu'un. Ici, je suis personne. Les faits, les erreurs que j'ai commis ont dépassé ma personne. Je ne maîtrise plus rien désormais. Je porte l'étiquette que l'on me donne. Mais si dans un premier temps ma culpabilité l'a acceptée, maintenant ça doit s'arrêter. Mon genou a fléchi, je dois me relever. Il est temps d'avancer, mettre en place tes projets. Mon sur J24, c'est la zonzon, c'est le ballon, comme des papillons sur Pluton. Mon sur J24, j'ai pas bon, je me sens con et guette le marteau. Putain de stage, Tony Traban, c'est ta raclette. Fais pas chier avec tes commandements et toi l'agent. Donne-moi du feu mec. Il a refusé le putois, allez dégage et dégage. Je te nique ta brosse espèce de connard. Appelle-moi la dirlo, oh, oh, appelle-moi, fais pas chier, je suis déprimé. Donne-moi du feu. Et oui c'est ça le star, c'est ça le star. Nous sommes invisibles pour eux. Y'en a marre, y'en a marre. Y'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. mais je n'ai pas de revolver. Pan, pan, avec ma brosse et ma raclette et ma ramassette. Stresse pas, t'es mouru. Même si j'avais voulu, je suis gentil, moi. Je vais à la messe, moi. Alléluia, alléluia, allez, allez, rentre chez toi, mec. Genre, direction mon MG. Nous, les gitans, on est toujours catalogués. Voleurs de poules, marchands de mitraille. Nos origines dans nos entrailles. Nos origines dans nos entrailles. Les gardiens nous détestent, les schmitts nous courent après. À 27 ans, je comptabilise 7 ans de star. Les bâtards, charognards, maintenant, c'est moi le tour là. La daronne au parloir me dit impatient de te revoir. Impatient de te revoir. T'entrave que tu as, que je te pénave. À vos préaux, la routine, le sport, même ma maîtresse. En détresse, pas de stress, l'amnèse me met à l'aise. Entouré de mes gitans, le temps est un passe-temps. Pas tout seul, enfermé, formation avec pavé. En formation avec pavé. Genre, direction mon MG. Nous, les gitans, on est toujours catalogués. Voleurs de poules, marchands de mitraille. Nos origines dans nos entrailles. Nos origines dans nos entrailles. Toi, ministre de la justice, avec tes lois, maçonniste, catalogue le peuple d'islamistes, extrémistes, terroristes. Tu t'embrouilles dans tes lois, élection oblige. En entendant, c'est moi qui ai pris 20 piges. Pendant que toi, le boss, tu t'es fait sucer dans ton carrosse. Trois générations d'immigration, t'as cru qu'on allait tout sur le fond? Pas question, pas question. Mon sursis 24, c'est la zonzon, c'est le ballon, comme des papillons sur Pluton. Mon sursis 24, j'ai pas bon, je me sens con et guette le marteau. Pas question, pas question, pas question, qu'est-ce que le fond? Ouais, c'est un pays, mon homme, 80 est en noir. Bon, on est toujours à Tranche d'un art, l'émission de Radio Air Libre. Et on continue avec Genepi. Et vous proposez de lire quelques textes du journal La Brèche. Ouais, pour avoir plus d'idées. Ouais, je sais pas si je vais les lire, mais peut-être rebondir en tout cas sur quelques, on va rebondir sur quelques articles. Mm-hmm. Moi, voilà, j'avais envie de rebondir sur une chronique. Donc, on a un chroniqueur dans La Brèche. C'est un Stéphane Picron qui est détenu à la prison de Nivelles. Et voilà, il nous a fait deux petites chroniques. Et il devrait refaire une chronique dans le prochain numéro. Donc ça, c'est sympa d'avoir toujours un peu une espèce d'actualité. Et du coup, ben, dans sa première chronique, c'est quelqu'un qui a été condamné pour une longue peine. Et du coup, il vient justement... à s'interroger à la première personne sur ce qu'il vit et du coup sur le sens de la peine dans le système pénal belge et finalement quelle place peut occuper la réinsertion. Lui il va dire par exemple, et ça c'est des choses qu'on entend, enfin moi qui peuvent être surprenantes et qu'on entend en détention, en fait c'est justement les détenus, il y en a quand même qui se positionnent justement sur la prison. Pour moi ça peut avoir une utilité. Ça va t'amener à réfléchir sur ce que tu as commis, etc. Et là, Stéphane Picron, il dit ce fait effectivement. C'est au début, il y a un peu un électrochoc de la prison, enfin pour lui en tout cas. Mais il y a le fait que les conditions de détention et le temps long, et parfois extrêmement long, de la détention fait que finalement on se détourne de cette idée d'un nouvel avenir, de repartir sur de nouvelles bases, parce que le système vient tuer toutes ces envies finalement de recommencer sur de nouvelles bases. Donc voilà, il s'interroge sur la place que de la réinsertion dans le système pénal belge, les conditions de détention, le temps très long, l'isolement affectif, quel retour vers la société après avoir été coupé si longtemps et si abruptement de la société, d'une autonomie, de toute forme d'autonomie. Voilà, et son deuxième article, lui, il traite plus du coup par rapport à nos dossiers, il aborde plus la thématique de la sexualité, qui est... qui est un tabou en détention et qui génère aussi des frustrations. Et voilà, il va dire que c'est comme si le système carcéral n'avait pas pensé justement ces besoins humains, sexuels, ces pulsions. Et voilà, comme si les personnes qui étaient en détention devaient être finalement réduites à la seule identité du détenu et qu'on oubliait toutes les autres aspects humains, quoi. Voilà, ça c'était les petites chroniques de Stéphane Picron. Peut-être Déborah, tu... Oui, on pourrait parler de tous les textes, hein, je vais me limiter à un ou deux textes. J'ai envie de parler en fait de deux textes en particulier. Je trouve ça intéressant comment ils vont dire des choses tout à fait différentes et en même temps comment ça va quelque part se répondre, se compléter. Alors ça nous amène un peu vers la France. On a un texte et vers la situation des femmes en prison. On a un texte du Génépi France qui nous a donc écrit un article pour le numéro sur la situation des femmes en prison. Et la clé de lecture qui va être adoptée dans ce texte, ça va être de montrer comment la prison va opérer une amplification des rapports de domination genrée qui traverse l'ensemble de notre société. Et cet article essaie de montrer comment ça va encore s'intensifier à une série de niveaux en prison. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes sont une minorité de la population carcérale et que ça va avoir des conséquences qui vont, en fait, dans la manière dont ça va être géré, souvent, entraîner une minorisation, on pourrait dire, des femmes, qui est déjà ce qu'on rencontre en tant que femme dans la société en général. Par exemple, il y a beaucoup de prisons où les femmes sont dans une aile spécifique de la prison, et donc il y aura souvent un accès restreint aux espaces communs, aux activités, aux services de soins. Il va y avoir un échec assez récurrent des établissements pénitentiaires pour adresser des situations qui sont spécifiques aux femmes, par exemple toute la lutte pour l'accès aux protections hygiéniques ou à la contraception féminine, etc. Donc il va y avoir une série de choses qui ne vont pas être prises en compte et qui concernent les femmes spécifiquement. Aussi l'isolement accru des femmes en prison notamment parce qu'il y aura tendance à avoir un jugement social qui va être plus fort vis-à-vis des femmes condamnées. C'est une sorte de double, de triple peine au niveau d'une condamnation sociale. Moins de visites par les proches. Mm-hmm. Par exemple, parce que en fait, beaucoup d'hommes reçoivent la visite de leur femme, ça va être moins vrai dans l'autre sens. C'est ce que raconte cet article, beaucoup, et c'est des choses que j'ai déjà entendues, que beaucoup de situations où par exemple, si la femme est mariée, son mari va la quitter, enfin, il va y avoir une tendance à un isolement social accru. Cet article va retracer une série d'intensification de la violence faite aux femmes en prison. On a à côté de ça un autre texte qui est un entretien avec une sociologue qui s'appelle Natacha Chetkouti, une sociologue française qui travaille entre autres sur le rapport entre genre et violence, et qui, elle, va plutôt insister sur le parcours des femmes détenues. Et donc elle a réalisé une multitude d'entretiens avec des femmes en prison, et elle va insister sur les déplacements qui vont parfois s'opérer via le moment de l'incarcération par rapport à une situation de violence qui précède la prison. Et donc il ne s'agira pas du tout de dire que, par exemple, elle va parler du cas des violences conjugales. Poser le constat que beaucoup de femmes en prison, en fait, étaient dans des situations de violence sociale, familiale, etc., avant l'incarcération, et qui d'ailleurs sont dans des parcours qui vont les marginaliser et les mener souvent à la prison. Et que la prison est un lieu où cette violence conjugale va être mise en suspens, et où il va y avoir des rencontres avec des femmes qui vont être dans des expériences communes, parfois une prise en compte en fait de la violence genrée qui a traversé les parcours et l'acceptation de son statut de victime. Donc c'est pas du tout pour donner, ce qu'elle essaie de faire, c'est pas du tout de donner un rôle bienveillant à l'enfermement, évidemment, mais c'est plutôt de montrer qu'il y a des effets, disons, imprévus de l'incarcération et c'est une nouvelle forme de violence, mais qui va en interrompre d'autres, et voilà, et insister sur ce qui, malgré tout, est rendu possible dans la manière dont les femmes vont s'approprier en fait leur situation en prison. Voilà, et je trouve ça intéressant parce que je pense que ça contredit pas du tout le texte du Génie Pie France, mais au contraire, ça permet de multiplier les attentions en fait sur ce qui se passe. Voilà. Et vous avez des contacts avec Génie Pie France ? Oui, alors on en a régulièrement. Alors rien qu'au niveau de la construction du Génie Pie Belgique, on s'est fort inspiré en fait de l'histoire du Génie Pie France. Oui. Il y a eu tout le travail qui a été effectué à la lecture des annales du Génie Pie France pour voir au niveau de la constitution de la charte, etc., du Génie Pie Belgique. Et puis sinon, oui, on a des contacts. On a parfois des militants du Génie Pie France qui viennent. Ils sont venus notamment au festival anticarcéral qui était organisé à Aaron, où le Génie Pie Belgique faisait des ateliers, le Génie Pie France aussi. On a déjà organisé des déplacements à Paris par le Génie Pie Belgique pour je ne sais plus exactement quel événement du Génie Pie France, mais des rencontres importantes au niveau du Génie Pie France. Donc, ils étaient invités à notre AG fondatrice. Mmh. Parce que je pense qu'il y a aussi un radio de Lille, non ? À la Festival Anticarcéral, qui ont parlé aussi des émissions radio. Et il y a d'autres Génie Pie en Europe ou pour l'instant, il n'y a que France et Belgique ? Oui, uniquement France et Belgique. Ah oui, donc... Il y a d'autres mouvements, j'imagine. Oui, d'autres mouvements qui agissent dans les prisons. Ouais, mais c'est plutôt mais francophone, du coup. Pour l'association Génie Pie, il n'y a que la France et la Belgique qui ont fait ça. Ah oui, d'accord. Ok. Et peut-être comment les gens peuvent trouver votre journal, où ça s'est distribué, où est-ce qu'il faut devenir membre. C'est ça, là, on a beaucoup travaillé sur la parution du journal, mais on doit encore un peu s'améliorer sur sa diffusion. Mais du coup, on le dépose dans certains lieux. C'est ça. Donc là, on est en train de le déposer dans une série de lieux associatifs bruxellois ou des lieux culturels, etc. Alors, j'en donne quelques-uns. Mais alors, en fait, on est en train de construire une page Facebook facile à trouver. Donc, c'est La Brèche, Journal du Génie Pie Belgique. Et là, on va diffuser la liste des lieux. Donc, il y a par exemple La Vieille Chéchette à Saint-Gilles, Dracar à Saint-Gilles, Le Baume Café dans le Centre, le Garcia Lorca, le Cinéma Nova... Enfin, on doit encore les amener, mais normalement, c'est pour bientôt. Donc, les cercles étudiants dans les universités, à la ZAD de Haren. Et alors, sinon, on va aussi diffuser au niveau des autres villes qui sont actives, Génie Pie à Liège, la SBL Barricade, etc. Mais donc, voilà, la liste est assez longue et est en train de se construire. Et sinon, à chacun de nos événements, on a des brèches. Ils sont vendus à prix libre. Voilà. Et alors, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des lieux de dépôt à proposer, mais qu'ils n'hésitent surtout pas à nous écrire, voilà. Donc, soit via l'adresse mail du Génie Pie Belgique, GeniePieBelgique@gmail.com, ou si c'est pour des témoignages, aussi pour nous écrire pour paraître. Dans notre prochain numéro, donc soit par courriel genepibelgique@gmail.com ou alors à notre adresse postale rue du Boulet 22 1000 Bruxelles et Facebook c'est genepibelgique. Voilà. Voilà. Est-ce que là vous avez un rue du Boulet, c'est un bureau ou c'est un acte? C'est pas toi là. Ok. Juste que les gens pensent pas que je vais une fois passer pas pour. Là, mais oui, d'accord. Mais il y a prochainement peut-être un événement que vous êtes en train de préparer ou est-ce qu'il y a... Est-ce que vous parlez de... on commence un peu à réfléchir pour le prochain numéro déjà, qui devrait avoir comme thématique, comme dossier. Enfin, on aime bien du coup avoir un dossier pour un peu plus centrer une thématique. Et là, ce serait sur le travail en détention. Mm-hmm. Et donc voilà, on va essayer de récolter différents témoignages, de contacter différents acteurs qui sont en lien avec cette thématique. Et sinon, au niveau des événements, bon, là, ça va être l'été, donc on va être un peu au ralenti, à mon avis, mais il y aura, je crois que c'est au mois de novembre, les Journées nationales des prisons. Génépi fait partie des organisateurs. Et alors, sinon, beaucoup plus immédiatement, donc ça, c'est pas le Génépi, mais j'en profite pour communiquer l'information. Le mardi 25 juin, se tiendra l'audience finale au Conseil d'État contre la maxi-prison de Haren. Voilà, et donc le collectif de Haren et les militants invitent à être présents pour les soutenir, parce qu'il s'agira donc de l'audience finale. C'est à quelle heure ? Alors, c'est de 9h30 à 12h30, rue de la Science, 33 1000 Bruxelles. Ok. Et bah c'est bien tout ça. C'est assez riche. Et en plus, vous faites ça bénévolement tous. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est en plus de plein de travail que vous avez à côté. Vous avez une vie riche. Voilà. Et non, mais c'est super. Et il y a combien de membres avec Génépi Belgique ? On est. Je sais pas. Alors, vous savez pas. On est mauvais avec le temps, mais avec les nombres aussi. Une soixantaine, plus ou moins, oui. Soixantaine de membres, ouais. Ok. Mm-hmm. Et on peut s'inscrire. Oui, tout à fait. On peut s'inscrire, on peut créer un groupe local. À tout moment, c'est ça, oui, c'est assez libre. Il faut regarder sur le site de Génépi Belgique, en fait. C'est ça. Ouais, comment s'inscrire, comment créer un groupe local. Contacter, venir à une première réunion, à un débat ou quoi, pour entamer le contact, et voilà, quoi. Envoyer un petit mail en disant qu'on est intéressé. Et là, on répond, on dit, ah ben, là, il y a quelque chose qui s'organise, ben, venez, comme ça, on se rencontre. Et voilà. Okay. C'est facile de rentrer dans le Génépi. Par contre, en sortir. Super. En tout cas, vous avez encore autre chose à nous raconter. Parce que il y a encore plein de choses, peut-être. Ouais. Mais il y a encore plein de choses, peut-être. Mais il y a moyen de revenir. Hein, donc, vraiment, n'hésitez pas. Non, si vous avez un événement particulier ou même... Ouais. Si les journées nationales, là, chaque année, on essaye quand même de faire une émission. Découvrir un peu. Ou une rediffusion de quelque chose. Mais, donc, même avant. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus. De toute façon, vous avez nos contacts maintenant. Oui. Et bah, merci. Un tout grand merci. Invité, ouais. Yeah. Ah ben non, mais voilà, c'était très bien. Vous voyez, ça s'est bien passé. Ça, on a moins peur. Allez, merci beaucoup en tout cas pour votre venue. Et puis bonne chance pour plein de choses, parce que c'est quand même très prenant comme travail. Merci à vous. Voilà. Ouais, merci. Très important. On passe un petit morceau de musique avant le... Ah oui, parce qu'il y a encore des morceaux qu'on n'a pas joués là. Ouais. C'est parti. Bah oui. Le mot de la fin. Issu des quartiers meurtriers, là où le meurtrier est trop fréquent. La vie du voie et ses conséquences. J'y raconte les tripes du ghetto, ses ambiances louches. Quand sonne le fusil à pompe, tout le monde se couche. Pas un voyou qui fasse long feu, t'es prévenu. À peine tu viens d'ouvrir les yeux que t'es détenu. La mort ou la prison, t'as deux issues. L'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux. Tu veux grimper par n'importe quel procédé. T'es donc sujet à de judiciaires procédures. La rue te guette, mec, les flics aussi. T'as peut-être déjà vendu une barrette à un vilci. Entre les traites et les balances, tu te balances comme sur un fil. Ta carrière peut prendre fin sur un coup de fil d'une balance. Un mec qui mal et passe à table. Ton numéro d'écrou remplace celui de ton portable. Là, tu connais l'envers du décor. La prison est son univers hardcore. Faut que t'assumes même si son atmosphère t'asphyxie. Le juge t'allume et fait béton ton sourcil. Affaibli malgré ton moral d'acier. Leur barreau, tu souhaiterais pouvoir les scier. Maintenant que la parole devient l'encre, tu te rends compte qu'il y a peu de gens pour qui tu comptes. Peu de courriers et encore moins de mandats. Qu'est-ce que tu crois pour survivre? T'es pas assisté. Ta mère n'a que ses yeux pour pleurer. Le cœur serré tant que son fils est incarcéré. Ébranlé par cette douloureuse conviction qu'elle a échoué, manqué à ton éducation. Et dès que t'es sorti, ça y est, t'es reparti. Puis t'es reparti, dès que t'es sorti. Les plus jeunes te prennent pour modèle. Ils comptent sur toi pour que tu leur fasses prendre de l'oseille. Ça t'arrange vu que t'as les flics sur les reins. Tu n'hésites pas les mômes, tu les fous sur le terrain. Tu veux pour eux ce que tu ne voudrais pas pour ton fils. Et ta morale ne l'emporte pas sur ton vice. Trop mettre en question, pour toi pas question. Tu te fous du monde, des flics et leurs questions. Tu te méfies tout même des sourires. Tu sais qu'en prison, beaucoup voudraient te voir pourrir. De te voir mourir, après t'avoir fait courir. Pour parvenir à cela, ils seraient même prêts à te mourir. Là où les ennemis et les amis se confondent, peux-tu dire qui sur ton sort viendra se morfondre? Les gens t'aiment, tant que t'es rentable. T'es réputé, mais peu fréquentable. T'es tout, car la vie que tu mènes t'étrangle. Tu deviens ouf, tu connais la loi du boomerang. T'es dans la tente de celui qui ne frappe pas mais entre. On dit que tu pèses, pourtant tu vis la peur au ventre. Ben c'est ton nom, y'a pas que les flics que t'as sur le dos. Peux-tu dénombrer le nombre de types qui voudraient ta peau? T'as vu tes ennemis, t'es incapable de les dissocier de tes amis. Car en fait, t'as pas d'amis, juste des associés. T'es entouré de gens et rarement seul. Mais surprenant la façon dont tu te sens seul. Ton histoire est triste, mais malheureusement t'es pas ni le dernier que l'argent va mener à son cercueil. Car dans ce milieu, tu fais rapidement des jaloux. Des mecs qui te voient debout et souhaiteraient te mettre à genoux. Ainsi peu probable que tu puisses avoir une fin heureuse. Tu peux compter les jours en attendant qu'une balle te creuse. Avoue que le quartier t'a eu. Et que comme à l'intérieur, à l'extérieur, t'es comme détenu. T'es même pas certain de pouvoir assurer une descendance, t'en peux plus. La nuit, tu ne dors plus. Tu penses aux potes que t'as perdu. T'aurais jamais cru que la vie tu vois serait si rodue. C'est émouvant, tu t'enlises dans des sables mouvants. Et tu ne fais que t'enfoncer à chaque mouvement. T'aimes une femme qui aime, aime le calme. Mais ne souhaite pas s'épouser des histoires de shit et de calme. Te voilà bloqué entre deux. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse le feu. Si t'as des gosses, qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Comment se faire respecter, devenir le chef de bande? Leur diras-tu que pour devenir millionnaire, y'a pas besoin de diplôme et que papa fut un gangster? Combien de jeunes sur cette route à deux issues? Ainsi vivent beaucoup de mecs d'où je suis issu. Combien d'entre eux n'atteindront pas la trentaine? Au lieu d'un an ou deux et qu'on prend une vingtaine d'années. Là où sont couronnés les condamnés. Faire marche arrière, ils appellent ça déballonner. Mais t'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. T'es prévenu, la rue ne t'offre que deux issues. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Vous êtes à l'écoute de... De Transgenal. De Transgenal. De Transgenal.